Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Il y a environ un mois, est arrivé le dernier épisode de Star Trek Discovery, donc série qu'on a regardée en parallèle, Fabien et moi, et on voulait un peu revenir dessus parce qu'on a des divergences d'opinion sur cette série, et on va pouvoir confronter nos idées pour voir si... Si l'un ou l'autre a des théories valables. Et pour savoir aussi si on a compris la même chose de cette série. Ouais, c'est ça. C'est aussi c'est des théories, aussi des points de vue quoi, quelque part. Alors moi je vais commencer un petit peu par présenter la série. Donc Star Trek Discovery, c'était une série qui est créée par Ian Fuller et Alex Kurtzman. Donc elle a débuté, pour rappel, le 24 septembre et elle a terminé le 11 février. La série se situe 10 ans avant la série classique de l'entreprise avec Kirk. Donc il faut savoir que cette série, elle se situe dans la période classique et pas dans la Kelvin Timeline, c'est-à-dire cette ligne temporelle qui est maintenant issue des films qu'on a au cinéma avec Chris Pine. Au générique, on retrouve Soneca Martin Green dans le rôle de Michael Burnham, Jason Isaacs dans le rôle de Gabriel Lorca, Doug Jones dans le rôle de Saru, Michelle Yeoh dans le rôle de Philippa Georgiou. Je pense que c'est les principaux. Donc dans le pilote, ce qui se passe, c'est que... Oui, que commencer? Ouais, non, je voulais commencer en fait cette partie. Alors, je te laisse la parole. En fait, moi je vais plus parler de continuité que de pilote, etc. Bah voilà, dans le premier épisode, donc forcément dans le pilote, comme tu dis, on apprend qu'il y a une balise en panne. Donc l'USS Chenzhou avec donc Georgiou joué par Michelle Yeoh et Michael Burnham joué par. Soneca Martin Green, Voilà. qu'on a pu Donc voir dans Walking Dead d'ailleurs. vont réparer cette balise et en réparant cette balise, les événements vont leur échapper parce que en fait c'est un guet-apens des Klingons qui voudraient bien enclencher une guerre pour atterrir à la suprématie Klingon. Ouais, en fait, c'est une espèce de caste Klingon qui se revendique de Kallès, je sais plus où le... Enfin, une espèce de philosophe un peu guerrier qui leur a laissé en héritage un vaisseau assez... qui avait une technologie très avancée d'ailleurs. Voilà, Kalesh qui avait le vaisseau des morts en fait. Donc un vaisseau légendaire, on va dire limite, alors biblique hein, dans le sens large du terme, au niveau des Klingons. Voilà, comme si on disait nous, l'être humain, on avait retrouvé l'arche de Noé par exemple, hein, pour comparer. Ouais, c'est ça en fait, c'est l'aspect mythique qui prévaut dans cette histoire. Et en fait, il y a plusieurs maisons de Klingons. La particularité de ce pilote, c'est que de présenter pas mal de dialogues de Klingons en sous-titré. Il n'y a pas de compromis dans cette série. Hein. Les Klingons parlent Klingon, voilà. Les humains parlent anglais, français, ça dépend Ouais. ce que vous avez regardé en VO ou pas. Donc voilà, pas de compromis. Hein. Il y a des races extraterrestres, elles parlent leur langue. Donc déjà là, un premier bon point pour moi au niveau de la série, parce que ça nous permet d'être immergés plus profondément dans les ressentis. C'est particulier là en Klingon parce que admettons qu'on n'aurait pas les sous-titres. On peut comprendre le contexte par le jeu d'acteur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maquillage et je trouve qu'ils sont quand même assez expressifs. L'idéologie guerrière on va recomposer la caste Klingon, redonner un petit peu je vais dire du luxe à toutes ces vieilles maisons qui ont perdu un peu de leur superbe, notamment sur Kronos. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Puis visuellement, le pilote est très beau parce qu'il y a beaucoup de nouveaux designs, une bataille spatiale que je qualifierais d'assez épique finalement. Et à la fin de cet épisode, bah, il arrive un événement dramatique. C'est qu'il y a une opposition entre Georgiou et Burnham qui mène à la mort de Georgiou quoi finalement. Et au fait que Burnham, bah, se retrouve un peu accusé de trahison. Oui, puis c'est exactement ça, c'est-à-dire que Burnham a cédé à la peur, a demandé à son père Vulcain ce qu'il faisait quand les Klingons arrivaient dans leur système, et voilà, Sarek a dit on tire les premiers, voilà, pas de pitié avec les Klingons, et elle a voulu faire la même chose, et ça allait à l'encontre des directives de la Fédération, donc Georgiou a surtout pas voulu entrer en conflit avec les Klingons volontairement. Ouais, alors on va peut-être rappeler qui est Sarek, parce que tout le monde ne le connaît pas. Donc Sarek, c'est le père de Spock, hein, pour le préciser. Donc on peut dire que Burnham est la demi-sœur de Spock. Ouais, pas vraiment demi-sœur, elle est plutôt sœur adoptive. Hein. Bah on s'y perd un peu là, hein. Moi Ouais, parce que personnellement. elle a ni le sang de Sarek, ni le sang d'Amanda, quoi, Ah sa non, c'est mère. clairement dit qu'elle a été adoptée, hein. Ouais, non, c'est la sœur adoptive. Moi, il y a un problème. premier problème que je veux poser déjà par rapport à la filiation de Spock, c'est que ouais, Spock a une sœur, mais elle est jamais mentionnée dans la continuité, je veux dire, que ce soit dans la série ou dans les films. Donc cette Même sœur, elle est un peu tombée du ciel pour moi. dans les autres, hein, séries, films, dessins animés, romans, etc., elle n'est jamais annoncée. Ouais, donc cette filiation, pour moi, elle me pose un peu problème, déjà à la base. Donc premier point qui va poser problème au niveau de la série. Ça au niveau de la filiation, après, voilà, je suis d'accord que ça me choque parce que j'ai une bonne partie Trekkies. Après, comme je dis toujours, faut pas hésiter à changer un peu les scénarios et à choquer les préétablis pour pouvoir faire quelque chose de constructif et de neuf. Tu vois, à la rigueur, ils auraient placé le personnage dans la ligne Kelvin, comme je disais tout à l'heure. Ça aurait pas osé poser moins de problèmes par rapport à la série classique, Mais tu tu vois? vois, là ça va poser des problèmes qu'aux Trekkies. Ceux qui Ouais. découvrent la série Discovery, Bah, ils s'en foutent, quoi. ouais, en gros, on s'en bat les steaks, hein. Ouais. Star Trek, c'est quand même un univers qui est quand même réservé à quelqu'un de particulier. Même si Abrams a tendu à essayer de familiariser, de populariser, on va dire, le mythe au cinéma, et que les gens se sont tournés vers les films qui sont plus des films d'action, on va dire. Hein. Faut le dire clairement, hein, c'est de la science-fiction, mais c'est plus de la science-fiction action tournée Star Wars, quoi. Voilà, c'est pas du space Ouais. opéra. Là, on est dans la science-fiction et l'action, hein, Ouais, vraiment. c'est Hein. ça. Et alors que quand ils vont tomber sur un épisode, par exemple, de la série classique, ils vont se rendre compte que c'est quand même une série qui est assez bavarde, qui a pas beaucoup d'action, qui a très peu de scènes extérieures, quoi. Ok, très peu de budget. Mais quand ils vont regarder aussi les films, c'est-à-dire que c'est une ambiance un petit peu différente quand tu vois le premier qui est assez contemplatif, et les autres qui sont un peu plus tournés vers l'action, avec des péripéties qui sont autour des personnages. C'est quand même assez différent, Discovery, quand tu regardes. Ça change de ce qu'on appelle la philosophie Star Trek, C'est ça. c'est-à-dire que Star Trek c'est très philosophe. Hein. Luc Picard est très volubile. Jean-Luc Picard? Ouais, J'aurais dit juste Luc Picard. Enfin, il est très volubile pour résoudre les problèmes. Shatner est un peu plus rentre-dedans, mais c'était très bavard quand même. Hein. C'était, voilà, comme tu le dis. Et là, dans Discovery et dans les films, ouais, on rentre plus dans de l'action. C'est-à-dire qu'il y a moins de bavard et il y a plus de action, action, action. Comme tu dis, il y a le côté cérébral, hein, dans Star Trek, et c'est pour ça que cette série a un petit peu échoué quand les pilotes sont passés, parce que il y a beaucoup d'action, et alors qu'il y avait je parlais tout à l'heure de Lost in Space, par exemple, où c'est une série qui bouge beaucoup parce qu'elle est plus familiale, et donc moins elle sollicite moins l'intelligence du spectateur quand même, quelque part. Et là, c'était des conflits, et puis comme tu dis, il y a le trio qui fait que Shatner, ben, Kirk, est un fonceur. T'as le l'homme sage qui est Spock, et tu as le scientifique aussi, le médecin, c'est aussi le côté scientifique, côté sagesse, quelque part. C'est-à-dire qu'on a toujours un pendant, quoi, avec ces trois personnages. Ouais, on a Spock qui a la raison, etc. Bon, le scientifique, il fait quand même pas mal de conneries aussi, hein, le docteur, donc là, faut voir. Ah ouais, un cœur qui fonce, hein, là, c'est comment... Et qui triche aussi, hein, qui hésite pas, hein, pour arriver Et à un ses fins. peu. Mais c'était quand même plus philosophique, hein, c'était de l'exploration, c'était explorer la dernière frontière qui était l'espace, etc. Là, sur Discovery, on part quand même sur autre chose, hein. On part sur... Ah, j'ai l'impression de voir un documentaire de guerre à un certain moment. Je retrouve pas l'esprit Star Trek, mais je retrouve quand même un esprit qui me plaît au niveau de la série. Ouais, ben on va peut-être attaquer la première partie de la série, dans ce qu'on appelle, je dirais, la partie tardigrade. On découvre un nouveau système de comment on peut dire, un transport. Donc voilà un nouveau système de propulsion. On nous parle d'un... On ne sait pas encore quoi, hein, parce qu'au début, on ne sait pas si c'est de la distorsion plus active ou quelque chose dans le genre. Mais voilà, il y a un nouveau système de propulsion dont on n'a jamais entendu parler dans aucune Jamais série Star Trek. dans la continuité, il n'y a aucune trace de ça. Aucune trace nulle part. Et après, on en saura plus tard que, bah, ils vont appeler ça, là, on peut le dire, hein, la transmission sporique. C'est-à-dire qu'apparemment, maintenant, on peut téléporter des vaisseaux d'un point à l'autre de l'univers. Ouais, en fait, c'est une espèce de grand téléporteur, quoi. Oui, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a une racine dans tout l'univers qui permet de se rendre d'un point à l'autre de l'univers en un instant, en la seconde quasiment. Donc, un peu choquant. Hein. Moi, personnellement, d'ailleurs, on pourra noter qu'ils ont abandonné les effets spéciaux des premiers épisodes du moteur sporique. Tout à fait, parce que bon, tu vas peut-être en parler. Bah oui, parce que dans la première fois qu'on voit le moteur sporique en action, l'Enterprise se transforme entre... L'Enterprise, pardon. Discovery. Erreur de geek. Le Discovery se transforme en une sorte de gros end-spinner. Ouais. Avec le devant qui tourne et tout, le vaisseau se met à tourner sur lui-même comme Une toupie, on va dire. ouais, une Enfin, il toupie. fait un 360 degrés, quoi, en fait. Voilà, hein, le truc, vous faites ça dans un manège, vous dégueulez. Hein. Et puis tout d'un coup, il disparaît et il Ouais, réapparaît. c'est un peu bizarre comme je dirais, d'interprétation visuelle. parce que c'est quand même visuel, hein, par rapport au moteur traditionnel. Traditionnel, c'est le moteur, comment ça s'appelle ça déjà? Le moteur à distorsion de Distorsion, c'est ça. deutérium. Distorsion, donc t'as les nacelles qui s'allument et le vaisseau, ben, il file comme une espèce d'éclair, d'éclair. C'est tout ce qu'on voit à la fin de chaque film finalement. Ouais, mais c'est, enfin, sauf que c'est pas le vaisseau qui bouge, c'est l'univers Non, qui bouge autour de lui. c'est Enfin, clair. ça, c'est voilà. Mais ouais, voilà, c'est, enfin, je veux dire, l'impression de déplacement est quand même moins choquante en distorsion que là, le moteur Sporix, ça choque quand même. Ouais, non, mais on a même rigolé parce que on se disait, ouais, visuellement c'est pas terrible, comment je trouve. Ah non, ça faisait vraiment un spinner géant Ouais, dans c'est ça, l'espace, ouais, quoi. c'est je me retourne, je fais comme une crêpe, quoi. C'est la crêpe cosmique, parce que je trouvais que c'était assez classe, cette espèce de soucoupe qui tournait au début, là. Et ça, ils l'ont arrêté à Ah, la ça, fin. ils l'ont zappé. Par contre, ils ont gardé le plus pourri, mais bon. Bah en fait, oui, c'est une certaine logique, on y reviendra après, Ouais. mais moi je sais pourquoi ils n'ont pas gardé cet effet Ah bon, bah, spécial. tu pourras l'expliquer, alors. Bah tout simplement parce que ça collait pas avec les sauts à la fin. Parce qu'on pouvait pas le faire tourner à chaque fois, ça prenait trop de temps pour faire les 133 sauts au niveau du vaisseau Oui, Klingon. là, si on rentre dans le détail technique, On rentre dans le détail va falloir technique. revenir dans l'histoire On de. y reviendra parce que Ouais, là c'est ouais. vraiment plus à la fin. Là, on est dans la partie tardigrade où il découvre justement la bestiole. Voilà, apparemment il y a une bestiole en lisant dans son esprit ou dans son ADN ou vraiment j'ai pas trop compris. Ils arrivent à avoir une cartographie de l'univers entier qui est présente dans l'ADN, maintenant on le sait, de cette bestiole. Ouais, qui se nourrit en fait de spores qui sont lumineux et qui donnent justement ces propriétés de pouvoir passer d'un point à un autre en fait. Le problème c'est que cette bestiole ben, elle souffre en fait quand elle se sert de ses pouvoirs et ben, à un moment ils sont obligés de par humanité parce que c'est pas le principe non plus de Starfleet d'exploiter les êtres vivants donc ils sont quand même obligés de la libérer à un moment. Ouais, juste à dire que Michael, d'abord, hein, qui a été condamné à l'exil et à la prison, Oui. est récupéré par un certain Lorca. Oui, tout à Parce que fait. ça, faut le dire avant, parce que c'est en fait c'est Michael récupéré par Lorca qui veut Burnham, ouais. absolument Michael à son bord. Alors c'est pas pourquoi, on en sera à la fin. Arrachez-vous les cheveux. Mais Pas de spoiler, s'il te plaît. mais voilà, donc c'est Michael qui fait preuve d'empathie envers cette bestiole. Ouais, c'est ça, Donc voilà. d'empathie, ouais, exactement. Elle est complètement empathique, elle sait que cette bestiole souffre, leur corps n'a rien à battre, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose d'efficace, donc qui est prêt à sacrifier la bestiole pour faire des sauts spatiaux. Ouais. Tametz, qui est convaincu par le bien fondé de la théorie de Michaels, qu'on mette une expérience transgénique en s'ingérant l'ADN du tardigrade en lui, pour pouvoir faire continuer la série. Ouais, c'est Parce que le ça. tardigrade devient complètement desséché, ils sont pas obligés, hein, c'est-à-dire qu'elle le relâche pour qu'il puisse revivre sa liberté, dans l'esprit Starfleet. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le personnage de Lorca parce que c'est un personnage qui est très ambigu dès le départ. Hein. C'est même pas un capitaine qu'on a l'habitude de voir dans les rangs de Starfleet. C'est quelqu'un de très guerrier qui veut absolument écraser les Klingons. Et totalement antipathique, hein. Ah ouais, mais il est pas du. L'acteur est très bien, il est charismatique et tout, mais le personnage, il est impressionnant quoi, quelque part. Puis ça nous change de ce qu'on nous sert pour Ouais, des c'est ça. personnages Starfleet d'habitude, hein. De commandant vachement autoritaire, quoi, à la limite. La fin justifie les moyens, Ouais. voilà, dans les premiers épisodes, on a vraiment l'impression que voilà, tous les moyens sont bons pour atteindre Et l'objectif. c'est la philosophie de j'écrase tout le monde, quoi. Bah, je sais pas s'il écrase tout le monde, mais enfin, avant qu'on sache qui est vraiment Lorca, voilà, quand il va se faire supprimer son poste par sa supérieure, il envoie sa supérieure se faire massacrer par des Klingons. Ouais, complètement. Donc ouais, vraiment le beau salopard, et puis on a du mal à lui en vouloir parce que bah, il est quand même efficace dans ses méthodes, quoi. Il est efficace et puis quelque part il montre un petit peu un côté humain par moment. Bon, Lorca, on en reviendra tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce personnage. Et on va parler d'un personnage qui est arrivé en milieu de saison. En milieu de première partie, je dirais, c'est Tyler. Alors voilà, personnage de Tyler, il arrive parce que Lorca va se faire capturer par les Klingons lors d'une mission diplomatique C'est ça. ou alors un compte-rendu du Discovery de tout ce qu'il est capable de faire à Starfleet. Et il se fait capturer, ça nous sert de prétexte pour nous présenter justement Tyler. Donc on sait que c'est une personne de Starfleet capturée par les Klingons, qui a été obligée de survivre en combattant. Et on sait qu'ils ont fait des expériences sur lui, mais on n'en sait pas plus. Voilà, c'est maintenant qu'il y a deux Starfleet bien entraînés, ils vont pouvoir enfin s'évader à deux, Ouais, apparemment. parce que des fois on a l'impression d'avoir Starfleet Commando, quoi, quelque part. Ouais, littéralement, c'est-à-dire que voilà, Tyler dit à Lorca, enfin quelqu'un de bien ou avec qui je pourrais enfin m'enfuir, etc. Faut être deux, et paf, il s'enfuit. Alors moi, je voulais parler un petit peu de cet épisode-là où il rencontre justement un personnage de la série classique qui s'appelle Harry Mudd. Et Harry Mudd, on le sait bien, c'est quelqu'un d'opportuniste. Donc on n'est pas très vraiment surpris de sa trahison dans l'épisode. Et il revient même dans un épisode qui est assez comique, avec une boucle temporelle qui revient régulièrement et qui est, moi, je trouve assez bien finalisé, quoi, cet épisode. Ouais, l'épisode est bien scénarisé, ça fait un petit peu descendre la tension de cette guerre, etc., qui est omniprésente, prenante. On ne sait pas où Starfleet va, ou même l'univers va. Par contre, ouais, le personnage de Mudd, pour moi, est totalement oubliable. Hein. Ouais, non, c'est parce qu'il voulait faire un gros clin d'œil à la série classique, c'est tout. Et moi, il y a un deuxième problème que je pose, c'est que Tyler, un mec qui a été gardé je sais plus combien de mois en prison, moi j'avais tout de suite deviné qu'il y avait quelque chose de louche. Il le laisse en liberté, il le surveille pas, même Burnham, elle s'attiche de lui carrément, oui. Alors qu'il montre des signes de faiblesse psychologique, hein. Complètement, Devant tout le monde, quoi, on voit même qu'il est pas dans son traumatisé, coin. on Hein. voit qu'il est traumatisé, quoi. Ouais, on le voit, il remplit une mission, il perd tous ses moyens. Mais non, non, vas-y, on te garde, vas-y, on te donne des autres missions. Et puis vas-y, va en mission avec Burnham et les autres. Ouais, partez en mission à deux, c'est Ouais, bon, tranquille, vas-y. quoi. Ouais, j'ai perdu les pédales, j'ai pété les plombs. Non, mais vas-y, pars en mission. Ouais, ça m'a choqué. Ouais, puis on commence à avoir des espèces de flashbacks assez gore des fois. Donc moi j'ai trouvé que c'était assez faiblard à ce niveau-là. Le personnage de Tyler, il y a une négligence à ce niveau. Non, ils ont voulu nous amener, on en parlera vers la fin, ils nous ont voulu nous emmener quelque part avec ce personnage-là. Ah, le problème, c'est que, enfin, déjà, un, bah, non, on n'y croit pas. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, on croit pas que Starfleet soit négligent au point de laisser un personnage comme ça faire ce qu'il veut, quoi. Et puis, deux, c'est mal amené, il est mal amené. Il y a une bonne intention de la part des scénaristes à propos de ce personnage, on en reparlera vers la fin, Oui. mais c'est très mal amené. Ouais, c'est hyper maladroit, quoi, comme tu vois. Cette première partie, elle était plaisante, hein. Jusqu'à l'épisode 9, j'ai trouvé que les scénarios étaient assez équilibrés, que ça finissait assez bien, qu'il y avait un bon suspense, que les acteurs étaient pas trop mal. Et puis, ben, on passe à l'épisode. Il y a eu donc une coupure en plein milieu de quelques semaines. On était quand même impatients de retrouver parce que à la fin de l'épisode 9, justement, il se passe un événement assez bizarre. C'est que ben, Stamets, comme tu l'as dit tout à l'heure, il s'était injecté le capital génétique de la bestiole, c'est ça? Ouais, en fait, Stamets s'est injecté le capital du tardigrade, donc il est capable de faire les sauts sporiques. Donc Stamets fait 133 sauts pour étudier le bouclier des Klingons afin de connaître son fonctionnement et de pouvoir contrer, enfin, l'occulteur, pas le bouclier, l'occulteur des Klingons. Donc il fait 133 sauts. Voilà. Donc ça, bon, ça marche. Ils ont l'algorithme pour pouvoir enfin localiser ces vaisseaux qui n'étaient pas localisables jusqu'à maintenant. Ça aussi d'ailleurs, hein, qui s'écarte de la série originale. C'est-à-dire que normalement, les vaisseaux Klingons sont pas spécialement camouflables. Ouais, ça aussi, ça me posait problème. Puis on en avait discuté ensemble d'ailleurs. Pour moi, dans la continuité, c'était les Romuliens qui étaient le créateur du système d'occultage. Normalement, l'occultation, c'est romulien. Ouais, occultation, Après, il y occultage. a des trucs, voilà, chez les Klingons plus bibliques, mais c'est plus du on sait pas trop quoi, Du mais millénaire, quoi, ouais, ouais. de la légende, plutôt de la légende que de la réalité. Et là, ben non, les vaisseaux Klingons, ouais, s'occultent sans problème, passent à travers les radars. Mais le problème, c'est que ça colle pas avec la continuité, parce qu'apparemment, si tu te souviens bien, dans la série classique, ils découvrent le système d'occultation, je sais pas combien, comment on dit, occultation, occultage, mais... Les seuls et Ouais. premiers à pouvoir s'occulter, c'est les Romuliens. Donc, du fait que l'Enterprise croisait le premier vaisseau qui pouvait s'occulter, et ils étaient justement étonnés parce qu'ils avaient jamais eu trace de ce De nouveau cette système. technologie. Donc, ça colle pas vraiment avec la Non, non, continuité. ça colle pas. Donc tu reviens à la fin de l'épisode 9. Donc à la fin de l'épisode 9, voilà, on le voit arriver gros comme une maison. Et à partir de la fin de l'épisode 9, toute la série jusqu'à l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, on le voit tout arriver gros comme une maison. C'est vrai que y a un accident sporique, on va dire. Il se retrouve dans une espèce d'univers au début. Bon, je vais décrire un petit peu le début, la fin du. On a toute espèce de d'épave qui flotte, de vaisseau. Alors moi j'ai vu tout de suite le truc arriver parce que on connaît un petit peu le bon, à l'annoncer tout de suite, hein, c'est l'univers miroir et on sait bien que bon ils arrivent et puis justement il y a dans l'épisode 11, ben, on nous annonce que ils ont effectivement fait un saut mais dans l'univers miroir. donc l'univers qui est présenté pour la première fois dans un épisode qui s'appelle justement Miroir, où le commandant, le capitaine Kirk, suite à un orage ionique, il se téléporte, mais il se téléporte comme il y a une interférence, il se téléporte dans l'Enterprise de l'univers Miroir. Ça fait que les deux personnages sont inversés dans la série. Mais ça, il faut voir l'épisode. Et l'univers Miroir, après, revient constamment, notamment dans DS9, parce qu'il n'y a pas d'épisode Miroir Next Generation. dans Next Generation. Par contre, il y en a un beau qui est double dans Enterprise avec Scott Bakula. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure vu qu'il y a quelques rappels concernant cet épisode. Donc, ils arrivent dans l'univers Miroir où ils rencontrent justement le Shenzhou. C'est le Shenzhou qui vient les accueillir là. Oui, l'USS Shenzhou Oui. vient accueillir Discovery et donc voilà, donc Burnham complètement désemparé parce que bah Shenzhou. Et puis ben c'est l'univers miroir, on sait qu'ils arrivent avec la signature quantique des matériaux de l'univers, à savoir qu'ils sont pas dans le leur. Voilà, ça après ben on le voit arriver, On va arriver de on le voit loin. arriver de loin. Puis bah ben, après Donc, voilà, ils vont devoir. on va préciser que dans le miroir, c'est Tilly qui est capitaine du Discovery. Ouais, voilà. Puis c'est Que l'univers miroir, c'est des sanguinaires aussi, Oui, hein. C'est-à-dire que l'humain, c'est des exterminateurs, quoi. c'est encore pire que les Klingons, quoi. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est des colonisateurs, mais plus, et toutes les races extraterrestres sont vraiment inférieures, quoi, par rapport à l'Empire terrien, quoi. Mais comme je te dis, même Saru est considéré comme un esclave, quoi, dans cet épisode. Ouais, ou au mieux comme de la viande. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'était un petit peu choquant, cette histoire, là. Comme je te dis, après, on voit arriver tous les trucs. Même le retour de Georgiou qui était mort dans le pilote. Ça, je l'ai vu arriver, mais gros comme une maison, que c'était le. Je me suis dit, non, mais il y a qu'un seul vaisseau dans l'univers Star Trek, il y a que le Discovery. Là aussi, il y a un problème, c'est que il y a pas ce côté épique qu'il pourrait y avoir comme dans les autres séries, quoi. Enfin, je sais pas ton impression, mais Bon, je peux pas dire que les autres séries étaient épiques, hein. Ça serait un peu mentir de dire ça, parce que c'était plus du cérébral. Voilà, c'est quelque chose qui me choque pas, parce que voilà, le Discovery, il y en a un qui est téléporté d'un côté, l'autre qui est téléporté de l'autre. D'accord. Donc ils sont inversés, pourquoi pas. Bah, qu'ils ont les mêmes noms de vaisseaux, ça m'a pas gêné plus que ça. Mais après que, comme par hasard, les membres d'équipage, voilà, elle c'est le capitaine, voilà, c'était un peu plus choquant. Il y a une inversion, quoi. Voilà, enfin, je veux bien que dans l'univers miroir, on est censé retrouver les doubles. Mais comme par hasard, les doubles qu'on n'est surtout pas croisés, sinon c'est la merde dans le scénario, bah ceux-là sont morts, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le hasard est quand même bien fait, hein. Il manque quelques personnages, mais il y a aussi quelques personnages, Bon, je pense qu'on va passer au noyau dur de la deuxième partie, c'est-à-dire l'univers miroir, bon, qui s'étale sur trois épisodes, si je me souviens bien. Ouais, sur 3-4 épisodes. Ouais. On va traiter un petit peu les personnages, style Lorca, Georgiou. Alors, moi, Georgiou, bah, je l'ai quand je l'ai vu elle, je me dis bon bah oui, ça pouvait être que elle, hein, Ouais, l'impératrice ouais. terrienne. Je dis bah c'est évidemment Philippa. Par contre, moi, le coup de Lorca, je l'ai pas vu arriver. Non, le coup de Lorca, c'était le seul, je vais dire, le seul vraiment pirouette, je vais dire pirouette. Qui m'a surpris, quoi. Il faudra aussi parler des pirouettes, parce que là, c'est vrai qu'à partir de l'épisode 9, ça devient un twist dans le twist, dans le twist, dans le twist. Ouais, c'est ça, c'est on balance un truc à lapin, et puis on te le balance, mais pas de manière subtile, hein, franchement. Ouais, et puis c'est vraiment pour dire, ouais, surprise, à chaque fin d'épisode, une nouvelle surprise qui surprend les personnes les moins surprises. Donc pour en revenir sur Ouais. Lorca, en fait, bah là, on apprend à la fin d'un épisode que Lorca vient de l'univers miroir. Ouais. Donc le beau salopard de Starfleet, en fait, bah, c'est quelqu'un de bien dans son monde, c'est-à-dire qu'il vient de l'univers miroir et que ça, je l'ai pas vu arriver. On se demandait pourquoi il y avait mal aux yeux et qu'il se faisait pas opérer. C'est ça? Et dans l'univers miroir, tout le monde a mal aux yeux quand il y a de la lumière, en fait. Enfin, tous Ouais. les terriens ont un Les problème de terriens. photosensibilité. Ouais. Et quand je vois Georgiou qui a mal aux yeux, je dis oh non, Lorca, en fait, c'est voilà. Et là, je l'ai pas vu arriver. Ouais. Et donc là, on voit bien que Lorca, en fait, a manipulé tout le monde depuis le début pour multiplier les sauts sporiques, remplir. Voilà, j'ai pas trop compris, mais c'est remplir des failles dans les deux univers pour pouvoir passer d'une faille à l'autre, grâce au moteur sporique. Je sais pas, moi y a un c'est un problème que moi il pose. Bon, il explique par rapport au Ça, c'est une référence à la série classique, hein, l'histoire de l'orage ionique, qu'il s'est téléporté et qu'il s'est retrouvé dans l'univers normal. Comment il pouvait savoir qu'avec le moteur sporique, il pourrait réintégrer l'univers miroir? Moi, ça me pose énormément de problèmes. Parce qu'ils utilisent le moteur sporique pour la chapelle, le château, enfin le moteur, le vaisseau principal de l'empereur. C'est un vaisseau au moteur sporique aussi, sauf qu'ils s'en servent comme source d'énergie. Donc ils connaissent déjà le sporique parce qu'ils ont un stamètre aussi dans leur univers qui est tip-top au niveau sporique, c'est juste qu'ils n'ont jamais pensé à s'en servir comme déplacement instantané. Ah, tu vois, c'est un détail que j'ai pas, mais ça devient plus clair, tu vois, à ce Bah niveau-là. c'est ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ pour ça que même à la fin, ils visent leur grosse sphère sporique Ouais. pour pouvoir recharger les batteries du moteur sporique et réintégrer D'accord, leur tu vois, univers. j'avais pas tout compris les détails techniques, je veux Ce qui dire. explique justement que Lorca ait des connaissances sur le Vaillant, c'est ça? Dans le Vaillant, c'est dans Le Doctor Who. défiante. Vaillant, c'est dans C'est le Doctor Who. défiante, ouais. Donc il y a des références sur le Défiante. Ouais, c'est ça, il connaît bien le Défiante parce que ben il a toujours essayé de piquer la place de l'empereur, donc il a des compétences un peu Bah, c'est plus toujours. élevées que d'un capitaine de Starfleet. Je veux dire, c'est toujours comme ça dans l'univers miroir, c'est-à-dire qu'il faut assassiner son supérieur pour avoir sa place. C'est une philosophie qui est comme ça dans l'univers miroir, c'est toujours pareil. Pour revenir sur le Défiant, en fait, il y a deux liens. Premièrement, il y a le lien avec un épisode de Star Trek classique, et il y a aussi un lien avec le double épisode de miroir, de l'épisode miroir de l'Enterprise, où en fait, le capitaine Archer du miroir découvre qu'il y a en fait une espèce de faille où le Défiant est passé pour passer d'un univers à l'autre en fait. Et donc lui il voulait utiliser ça dans le. C'est pour ça qu'on en reparle dans le Discovery. C'est parce qu'ils ont l'info en fait dans l'univers miroir de cette faille, mais dans l'univers classique ils l'ont pas encore, vu que le Défiant n'a pas encore disparu, tu vois. Vu que c'est dans le futur, c'est un vaisseau du futur le Défiant. Voilà, donc Lorca c'est fait, l'empereur c'est fait. Donc là, oui, après ça se concentre un peu plus sur la relation Michael Burnham-Tyler. Où là aussi on le voit arriver de loin, hein, je suis désolé. Hein, je veux dire, depuis les épisodes où il pétait les plombs, bah voilà, on nous apprend juste que Tyler, en fait, c'est un Klingon. Hein, c'est-à-dire, ils ont arraché l'enveloppe d'un humain, mis un Klingon à l'intérieur et enfermé l'enveloppe. Enfin, c'est un peu ça, comme ça qu'on l'annonce. Ouais, si il y a des manipulations chirurgie esthétique assez hard, on va dire. Ouais, voilà, il a été découpé, rassemblé, hein, Ouais, puis. c'est une espèce de Frankenstein finalement. Bah oui, donc voilà, Tyler en fait, ouais, c'est un Klingon et la personnalité de Tyler, on sait même pas d'où elle vient, si c'était vraiment existé, etc. Donc en fait, Tyler, c'est un peu comme une personnalité schizophrène ou psychopathe. Il a les souvenirs de Tyler. Mais il a aussi le conditionnement de Vok, c'est-à-dire le Klingon, parce qu'il a subi quand même des interventions chirurgicales assez hardes. C'est pour ça qu'on a ces flashbacks qui sont assez impressionnants. C'est encore un personnage où on s'attendait clairement à ce qu'il pète un câble, et ça arrive pendant une scène de négociation assez cruciale d'ailleurs. Et c'est là qu'on dit, bah, Burnham, elle a rien vu, elle est amoureuse de lui, mais elle a pas vu que le gars allait péter un plomb, quoi. Ouais, alors qu'elle a été formée toute sa Ouais, vie ouais. à gérer ses émotions, et là, on a l'impression complètement qu'elle lâche prise, quoi, qu'elle se laisse embarquer. Y a plus le côté Vulcain du tout, quoi. Non, non, ouais, on a l'impression de voir une humaine, hein, là, vraiment, côté Vulcain, mis de côté pendant quelques épisodes quand même. Et, Ouais. bah, je veux bien que, voilà, ils ont voulu montrer que c'est pas parce qu'elle a été élevée sur Vulcain qu'elle avait perdu son humanité, mais là, c'était mal amené. Pour Tyler, on a fait le tour, je pense. Bah non, juste dire Non? que voilà, Tyler, à ce niveau-là, après il se fait soigner par Rael parce que il est en train de s'autodétruire tout simplement, hein, de se mutiler, de se tuer, donc Vok du coup, Ouais. parce que qui correspond à Tyler. Et en fait, Tyler, on nous amène jusqu'à ce point-là pour juste nous montrer que bah, monsieur est la jonction entre deux peuples. Ouais, c'est un peu convenu aussi, hein, finalement. Et je voudrais revenir un petit peu sur le personnage El-Rail. Ouais, enfin moi je voulais juste dire, voilà, Tyler, tout ça pour ça. Mais bon, de toute façon, on va revenir sur tout ce qui va pas dans l'épisode final. Parce que moi, j'ai beaucoup à dire et toi, t'es plutôt dans la défense, toi. Voilà. Alors, tu voulais parler de Rel. El-Rail, bon, qui est fait prisonnière, qui est quand même assez versatile comme personnage, je trouve. Parce que, elle veut le faire crever, elle veut le laisser crever. Et puis après, finalement, bon, on sent bien qu'il y a une relation intime entre les deux, hein. Il s'est passé quelque chose. Bah, Rel était la compagne de Vok, hein, il me Ouais, semble. c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que Vok qui meurt dans les premiers épisodes, non, c'est pas ça? Oui, c'est le porte-flambeau, donc quick. Donc il meurt. Et ouais, bah moi je trouve que c'est un personnage qui est assez versatile, qui manque un peu de. Faut arriver dans le dernier épisode pour vraiment que je puisse développer. Là, je vais passer peut-être au personnage de Culber qui sert vraiment à rien, quoi. Culber, Le c'est docteur, le. hein, Ouais, le docteur docteur Culber. Culber qui est en fait le compagne de Paul Stamets. Bah, c'est un personnage que moi j'avais trouvé sympathique au début, mais il meurt vraiment comme une merde, quoi. Ah voilà, il se fait tuer par Tyler En qui plus, est en en mode non-possession de Klingon. ses moyens parce qu'il voulait l'empêcher de partir en mission. Alors on est quand même sur voilà, on est quand même sur le Discovery. De mémoire, les ordinateurs sont omniprésents et enregistrent tout. Ça, personne ne le voit quoi. Le mec il pète un câble littéralement, il arrache la tête de quelqu'un et non, tout va bien, c'est bon, allez, salut. Alors qu'il venait de passer à l'infirmerie juste avant. Ouais. Là voilà, il y a quelque chose Non, il y a un truc qui va pas non plus, c'est vrai une facilité que. scénaristique. Je pense qu'ils ont pas voulu s'emmerder et hop, on coupe la tête à Kubber. Ouais, facilité scénaristique, c'est le mot, c'est le mot, c'est le le mot-clé quand tu vois les trois derniers épisodes, hein, parce que tout s'enchaîne, hein. On est entre les manques d'incohérence et les personnages qui sont versatiles, qui changent d'avis comme de chemise. Ouais, on va mettre un petit mot sur Saru, parce que je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Alors Saru, c'est le Ouais. personnage qui part de rien, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est personne, hein, littéralement. Bah, c'était C'est quand un même le. backup, machin. Et il C'était. arrive à une position, bah, nickel, quoi. Je Ouais. veux dire, il apprend à gérer les situations, Ouais. et je pense qu'il est digne d'un Kirk, Saru, à la fin. C'est clair que au début c'était le second de Georgiou. Ouais, voilà, et le premier Calypien à être second dans C'est Starfleet ça. aussi. Et c'est un personnage qui prend de l'assurance au fur et à mesure des épisodes pour moi. Même si bon, au milieu il pète un câble au niveau de, dans l'épisode de la forêt. Bah là, il est possédé, c'est pas Ouais, pareil. il est possédé. J'avais l'impression quand même que c'était une possession qui était un petit peu. C'était des sortes des rancœurs qui ressortaient en fait. Bah, en fait, voilà, c'est les Calypiens sont une race qui gère leur peur, en fait, qui l'écoute jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont des glandes qui leur permettent d'avoir peur et de prévenir d'un danger. Et là, sur ce monde-là, en fait, comme il est rentré en symbiose avec ce qui représente ce monde, ouais, bah, en fait, ça a complètement dépassé ses sens. Et du coup, il a pu tout exprimer, ce qui est retenu au fond de lui, dans son Ouais. subconscient. Ouais, c'est pour ça qu'après, bah, y a plus d'assurance et que une fois que l'Orca révèle sa vraie identité, c'est lui qui prend vraiment en main la gestion du vaisseau, comment je pourrais dire, le commandement du vaisseau. C'est-à-dire que il montre aussi un côté humain avec Stamets, avec Tilly, avec tous les membres de l'équipage. Et on a un personnage qui est vraiment évolué et qui est complètement différent. Et bon. Et qui nous dit clairement la phrase suivante qui va bien résumer tout le reste, nous sommes Starfleet. C'est ça. Mais c'est lui qui représente le plus Starfleet, vu que c'est un extraterrestre. D'ailleurs, là-bas, j'ai pas souvent vu des extraterrestres qui commandaient un vaisseau dans Star Trek. C'était souvent des humains. En général, les extraterrestres, c'était plus des seconds ou des officiers C'est ça. techniques ou des choses comme ça. Ouais, des gens qui ont la grosse tête du vaisseau, quoi. Et voilà, quoi. C'est un super personnage pour moi. C'est le seul qui évolue. Ouais, qui évolue vraiment. Qui évolue dans un sens par entière Starfleet, c'est-à-dire que c'est lui qui sauve limite l'esprit de Starfleet. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des personnages. Maintenant, on va aborder les. À moins que tu aies quelque chose encore à dire sur la deuxième partie de. La deuxième partie, c'est sur l'univers miroir. Ouais, la super facilité de surfer sur leur vague sporique pour recharger les moteurs. Après, ils arrivent à retourner dans leur univers. Moi, je voyais le coup arriver, qu'ils allaient arriver parce que c'était la cata. Moi, je pensais que ça aurait été plusieurs années après. Mais apparemment, 6-9 mois pour les Ouais, Klingons, c'était c'est 9 assez pour mois. envahir un univers. Donc, tout ça, voilà, des facilités qui m'ont un peu dérangé. Mais ça me faisait penser à putain, il nous reste plus que 3-4 épisodes. Les mecs, faudrait qu'on se grouille quand même. Ouais, faut speeder, quoi. T'as tout à fait raison, c'est qu'il y a une accélération que moi j'ai trouvé complètement bidon. Et je vois pas comment les Klingons ont pu envahir l'univers entier, la fédération entière, sachant que y a pas que les Terriens dans la fédération. Il y a les Andoriens, il y a les Kelpiens, il y a plein de races qui ont plein de vaisseaux, les Vulcains aussi. Donc je vois pas comment 3-4 vaisseaux Klingons, parce qu'ils sont pas non plus super super nombreux. Bah, c'est pas 24 maisons ou quelque chose dans le Ouais, genre? mais bon, c'est quoi 24 vaisseaux Mettons que entre c'est nous? 24 vaisseaux mères, je veux dire. Ouais, des 24 vaisseaux qui peuvent s'occulter Ouais, alors. voilà. Et Starfleet, c'est quand même des centaines et des centaines de vaisseaux, sans compter Donc. leur. Ouais, donc il y a un rapport de force qui va pas. D'accord, ils peuvent s'occulter. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui. Si rapidement, je vois pas pourquoi ils ont traversé les frontières si rapidement. C'est quelque chose qui me Ouais, parce choque. qu'ils sont carrément au port de la Terre, Ah oui, ils quoi. sont, ouais, littéralement, ça me fait penser d'ailleurs aux épisodes de Stargate, hein, c'est toujours aux portes de la Terre qui sauvent la situation. Hein. Ouais, quand t'as le grand vaisseau Goa'uld qui arrive. Ah ouais, mais c'est toujours quand ils sont aux portes de la Terre Ouais. qu'ils sauvent une Ils font péter situation. le truc dans l'orbite. Et là, dans les derniers épisodes, voilà, ils sont aux portes de la Terre, on sait, ah c'est bon, ils sont sauvés. Moi, quand j'ai vu qu'ils étaient aux portes de la Terre, j'ai dit, bon, pas de combat, ils vont se barrer. Et paf, nickel. Ouais. D'autant qu'ils sont prêts à assiéger, je veux dire, la base stellaire numéro 1, déjà. Non, je dis moi, déjà, moi, ça me pose un énorme problème, c'est cette invasion qui est précipitée, ça ouvre un petit peu le double épisode de finale, on va dire. On va commencer quand même à mettre la pression sur Chronos, avec justement l'Orca qui a disparu. Alors qu'un qui est supposé mort parce qu'il a été jeté dans le moteur sporique Ou enfin de le mec. l'univers miroir, donc Ouais. désintégré. Après, ouais, faut aller éliminer des Klingons. Bon, on va demander à celle qui vient de l'univers miroir qu'on a récupéré au dernier moment, donc Philippa Georgiou. Voilà, enfin, là d'accord, je suis d'accord. C'est parce qu'elle vient de l'univers miroir qu'elle est méchante, on peut lui faire faire les pires saloperies du monde. Donc là, c'est quelque chose qui a commencé à dégénérer quand même. Et après, ça devient que des facilités comme ça. Elle est méchante, donc elle peut détruire Chronos. On a fait le plein de sport en terraformant, hein, qui était d'ailleurs bien tourné cet Ouais, épisode. ça c'est pas trop mal Quand par ils ont contre. terraformé une planète pour cultiver des spores, C'est ça. ça c'était bien. Mais après, c'est vrai que ça partait un petit peu dans la facilité. Et moi, par contre, je trouve que la fin ne sont pas partis dans la facilité, mais plus dans ce que je pourrais appeler l'esprit Starfleet. Moi, je trouve que ça va pas du tout, parce que c'est hyper précipité. Je vais essayer de décrire ce que moi j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti une énorme déception. Mis à part, je t'ai dit, les 20 dernières secondes, où là, il y a quand même ma fibre de Trekkie qui a vibré. Mais moi, je trouve qu'il y a des super facilités, mais à tous les niveaux, quoi. Tous les personnages, que ce soit Burnham, que ce soit Georgiou qui arrête pas de changer d'avis, elle fait n'importe quoi, Georgiou. Alors là, je crois que c'est la pire, parce que moi, cette scène de la télécommande, j'ai trouvé ça mais consternant. Elle vient avec sa télécommande, elle dit au Klingon, ouais, t'as vu, j'ai une télécommande, et si vous faites pas ce que je dis, eh ben, je fais tout péter. Mais c'est débile, ça. Et puis tout d'un coup, tous les vaisseaux, ils se retirent, bah, la guerre, elle est finie, alors que c'est quand même une colonisatrice, l'ARL. Pourquoi le libérer, là? Ils sont aux portes de la victoire, et puis tout d'un coup, bah, ça y est, tout machin. Burnham donne les clés de la victoire à Elrel en plus. C'est ça qui est débile pour moi. Non? Je l'ai pas compris comme ça. Donc moi je l'ai compris en fait que Philippa Georgiou venait d'un univers où voilà où on détruit avant de poser des questions. Donc elle arrive sur Chronos, après à détruire Chronos. Et là Burnham, grâce à Saru d'ailleurs, reprend entre guillemets les rênes de la philosophie Starfleet et elle donne pas les clés de la victoire aux Klingons. Elle donne le choix aux Klingons. C'est pas pareil. Parce qu'en fait ils peuvent se faire détruire comme ils peuvent gagner. Elrel a beaucoup souffert mais a vécu au contact des humains. Elrel est quand même amoureuse de Vok Tyler. Burnham est quand même amoureuse de Vok Tyler et ils partagent un point en commun, c'est-à-dire l'amour. Là, jusque-là, ça va. Et après, voilà, quand ils peuvent faire péter la planète et qu'ils refusent de le faire, parce que nous sommes Starfleet. Starfleet ne détruit pas, c'est l'Empire Terrien qui détruit, c'est pas Starfleet. Donc il donne en fait les clés de tout le peuple Klingon à Elrel, parce que si elle veut, Elrel détruira le peuple Klingon, et Elrel devient chef des Klingons grâce à la pression de cette bombe qui est au cœur de Chronos. Elrel choisit elle-même de ne pas détruire la Terre, c'est-à-dire qu'elle fait pas ça pour faire plaisir aux humains. Elle a compris que T'Kuvma voulait réunir les Klingons en une seule faction, mais pas forcément par la guerre. C'est juste que c'est parti par la guerre, mais après elle a choisi que la guerre c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour réunir toute la fédération Klingonne. Et justement, la fin comme ça, ils sont aux portes de la Terre, que c'est détruit ou que c'est pas détruit, ça, ben, c'est les Klingons qui ont choisi. Mais Starfleet est resté droit dans ses bottes. Michael Burnham a cédé à la peur au premier épisode, a déclenché une guerre. Au dernier épisode, elle a pas cédé à la peur, elle a fait confiance à la logique et Starfleet a gagné. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ton explication, elle est bien, elle est rationnelle, mais moi, du point de vue Klingon, moi, c'est des colonisateurs. Je vois pas pourquoi tout d'un coup ils se mettent à retourner leur capote, alors qu'ils tiennent quand même les clés de la victoire. Pour moi, ils tiennent les clés de la victoire, parce que de toute façon, ils savent bien que Starfleet, ils feront pas péter leur planète, parce que c'est pas leur philosophie. Hein? C'est une faiblesse pour moi de. Starfleet, En après, a plus, ils renoncé donnent. ses principes et à faire péter la planète, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est Burnham qui prend sur elle-même, encore une fois, pour dire, hein, Starfleet, c'est pas ça. Qui reprend tout au contact de ses supérieurs en disant, Starfleet, c'est pas ça. Nous, on n'est pas des terriens de l'univers miroir, nous, on détruit pas par la peur. Elle n'a pas cédé à la peur sur le dernier épisode. Attends, c'est quand même l'amiral qui donne l'ordre à Georgiou de faire péter la planète, Oui, hein. c'est Starfleet qui donne l'ordre. Et Michael Burnham dit non, avec Saru, dit non. Starfleet, c'est pas ça. Quitte à mourir, tant pis, on mourra pas dans la peur. C'est-à-dire que elle donne en gros le destin des Klingons à un Klingon. Et Tyler va faire donc la jonction entre les Terriens et les Klingons. Pour lui, il sert pas à grand-chose. Mais voilà, non, Ouais, mais c'est un peu mièvre, c'est. Ah, je suis désolé, tu dis que c'est mièvre, mais c'est exactement l'esprit Next Generation et Deep Space Nine. Bah, je sais pas, c'est un peu plus sombre quand même dans ces séries. Là, ça se termine dans le cul de poudin. Moi, je voyais plus un truc de bluff, tu vois. Là, il y a Georgiou qui retourne sa veste en permanence. Bah, Georgiou, c'est normal, elle vient de l'univers miroir. Ouais, mais bon, elle, c'est quand même. À mon avis, elle était pas contre faire péter la planète. Ah non, elle vient de l'univers miroir Après, il où y a ça Burnham dérange qui pas. dit bah, va falloir me tuer parce que sinon. Bah, elle le tue pas. C'est n'importe quoi aussi, ça. Non, je sais pas, il y a des trucs qui collent pas pour moi. C'est parce que tu connais pas bien l'esprit Starfleet. Ouais, mais moi je connais l'univers miroir aussi, l'esprit de l'univers miroir, tu vois. Donc. En fait, voilà, nous sommes Starfleet, ça résume, c'est quasiment l'une des dernières phrases. Hein. Quand elle dit son speech à la fin, nous n'avons pas cédé à la peur. Voilà, la peur, ils ont cédé à la peur en premier, elle a déclenché une guerre. C'est-à-dire que les Klingons ils sont venus envahir Starfleet. Bon, c'était inévitable, hein, c'était le but des Klingons. Mais quand elle a pas cédé à la peur et qu'elle a en fait fait complètement acte de logique, donc acte de Vulcain, littéralement, et ben elle a réussi à sauver la situation. Non, elle a pris un risque. Ils le disent tout au long du dernier épisode que c'est un risque énorme. C'est-à-dire que les Klingons ont toutes les cartes en main. Et une fois que les Klingons avaient toutes les cartes en main, bah, Elrel a été influencée par les humains dû à son séjour. A été traitée des fois avec respect, des fois avec défiance. Moi, je peux comprendre l'évolution Klingon. Les Klingons sont en train d'évoluer mentalement. Moi, je dis que non, parce que y a toujours cette. En plus, dans la série classique, il y a toujours cette animosité entre les Terriens et les Klingons. Il y a même pas d'évolution, moi, je trouve. Parce que moi, dans la continuité, ça marche pas cet épisode final. Parce que. Bah, je sais pas, dans la continuité, on a quand même Worf qui devient second. Hein. Ouais, mais dans la continuité classique, pas la continuité. Ça reste une continuité. Et en plus, les Klingons, ils sont obligés de pactiser parce qu'ils ont leur. On le dit dans l'épisode 6, dans Star Trek 6, justement, qu'ils sont. C'est pas la. Ils vont pactiser avec la Fédération parce que. Il y a une mine qui a pété et que ils ont plus de ressources. Mais c'est pas parce qu'il y a une guerre. D'ailleurs, il y a la création de la zone neutre. Après, il y a les Klingons peuvent pas aller dans une au-delà d'une certaine frontière et les Terriens ne peuvent pas non plus. Donc il y a toujours cette animosité. Pour moi, c'est, je sais pas, moi c'est, on tombe un peu dans la mièvrerie dans le dernier épisode. Hein. Alors c'est de la mièvrerie, c'est parce que je pense que tu t'as pas l'esprit Starfleet encore une fois. C'est l'esprit Starfleet, c'est ça. C'est, on a des valeurs, on a des races extraterrestres, on les respecte, on essaye pas de les anéantir. On les anéantit pas, on les comprend. Même tant pis s'ils veulent vivre dans leur microcosme, on n'intervient pas. Et là, Burnham a été jusqu'au bout du système Starfleet, au-delà, elle a été intégriste Starfleet, mais dans le bon système. Après, c'est vrai que la fin, c'est facile parce que les Klingons pourraient dire ouais, c'est bon, on a tout, on te casse tout quand même. Mais ça prouve une certaine évolution des mentalités entre Elrel qui a malheureusement vécu chez les humains des choses bonnes et des choses mauvaises. Saru qui reste droit dans ses bottes, nous sommes Starfleet, Starfleet ne tue pas sauf cas d'extrême urgence. Ouais. Et on va pas faire péter une planète quand ils se sont rendus compte qu'en fait c'était des gens comme eux, quoi, qui vivaient une vie normale comme eux, etc. Ils ont décidé de pas commettre un génocide. Il y a encore un truc qui me dérange, c'est qu'ils sont, en train de se bouffer la gueule, les Klingons, les maisons de Klingons. Et donc il y a déjà une guerre interne. Donc ça peut pas marcher non plus. Parce qu'ils s'entendent même pas entre eux. Bah, ils vont être obligés de s'entendre, sinon l'autre elle fait tout péter. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'ils en savent? C'est peut-être du bluff, sa télécommande. Tu sais, elle s'amène avec sa. Et puis ils se foutent tous de sa gueule, puis tout d'un coup ils deviennent sérieux parce qu'ils ont vu une télécommande. Ah, mais t'as vu ça où toi? C'est n'importe quoi. Vous voyez un bel exemple de divergence d'opinion. Ouais, quelqu'un qui trouve ça logique et quelqu'un qui bluffer, trouve ça. Tu peux bluffer, moi je veux bien bluffer, faire du bluff. C'est pas du bluff, là, littéralement les moyens de faire péter la planète. En plus, l'autre, elle vient d'être libérée par les humains. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, putain, c'est une traîtresse celle-là. Il y a un truc qui va pas. De toute façon, que c'est une race guerrière, que c'est une race de conquérants. Il y a cette vision de Starfleet qui impose la paix, je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs qui vont pas dans cet épisode-là, pour moi, c'est tout. Non, pour moi, c'est. Voilà, elle a tout le pouvoir, elle a réussi à avoir ce que Tekuvma voulait, l'unité des Klingons, par la force et aussi par le fait qu'elle a vécu quelque chose qui a changé sa façon de vivre. C'est pas parce que c'est un Klingon que c'est une grosse bestiole. Hein. Ils ont quand même, les Klingons ont quand même une psyché, ils ont quand même un peu d'empathie. Voilà, c'est quelque chose qui me choque pas. C'est, les Klingons, c'est un peuple comme un autre, c'est ce qu'on nous dit à la fin. Un peuple comme un autre. Et c'est ce qu'on nous dit dans certains épisodes de Star Trek, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une guerre entre les humains, enfin entre la Fédération et les Klingons, à cause d'incompréhension culturelle. Bon, ce que tu dis est parfaitement défendable, mais moi ce que je dis, c'est qu'ils vont vers la facilité scénaristique. Et, là, ouais, ils arrivent à raccrocher les wagons à coup de place. En fait, ils auraient dû prolonger cette histoire de guerre et tout au long de la saison 2, partir vers la philosophie de Starfleet. Parce que là c'est un peu comme si, ah ben on va faire qu'une saison, donc on va speeder, hein, on va mettre n'importe quoi, on va faire n'importe quoi avec les personnages. Bah, je suis d'accord, c'est exactement ça. Bah ouais. Après une saison qui traîne en longueur en ayant des épisodes de guerre qui ressemblent exactement aux 9 premiers épisodes, ça aurait été un non-sens. Ouais. Par contre, je pense qu'ils auraient dû partir sur 23 épisodes pour pouvoir un peu mieux nous amener ça. Ouais, tu vois, parce que. C'est un peu amené comme une merde sur une planche. C'est hyper accéléré, quoi. Bah, c'est accéléré, mais ça reste dans la logique Starfleet. Pour moi. Mais bon, moi j'aurais vu autre chose, je suis pas scénariste, mais je trouve que ça manque de. Il y a pas de subtilité dans cet épisode. Ah bah moi, au contraire, je trouve qu'il y a de la subtilité. Dans la mièvrerie, mais complète. C'est pas. Ouais, après, on peut trouver sa mièvre, mais ça a une certaine logique quand on connaît les actions de Starfleet. Parce que quand tu remets les forces en présence, et comme je te dis, ils sont tous en train de se bouffer la gueule, il y en a pas un qui. Ils sont même pas capables de s'entendre entre eux, et que tout d'un coup, ben, l'autre, elle vient avec sa télécommande, et que, soit disant qu'elle bluffe, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir qu'elle va pas faire. Je sais pas, moi, il y a. En fait, moi, je sais plus comment il s'appelle. Je reste sur mes positions, hein, de toute façon. Je sais plus comment il s'appelle. Là, il lui dit. Tu bluffes et à partir de là, elle montre la technologie qui permettrait de détruire la planète. Et alors? Bon, je pense qu'ils doivent reconnaître la technologie, ils ont quand même des espions, les Klingons. Mais c'est encore la force Klingon, c'est-à-dire qu'elle a la toute puissance. Elle fait péter Chronos si elle veut, donc elle a la toute puissance. Donc les Klingons respectent la toute puissance, par obligation, par choix, par tradition, ça, tout ce que tu veux. Mais comme elle avait été contaminée par les humains, hein, parce qu'elle a vu, bah, je comprends pas, ils peuvent me tuer, ils peuvent détruire ma planète et ils me libèrent. Donc il y a quelque chose qui travaille dans son esprit à Elrel. Bah, t'as l'esprit Starfleet, excuse-moi, mais quand elle se fait tatane par Georgiou, c'est pas très Starfleet, hein, comme... Elle vient d'où, Georgiou? Bah, de l'univers miroir. Donc c'est pas Starfleet. Bah, je suis désolé, elle est quand même dans un vaisseau de Starfleet, elle est pas là pour torturer les prisonniers. Si, elle vient de l'univers Non, je miroir. suis désolé, Ça reste logique. c'est un vaisseau de Starfleet, je suis pas d'accord avec toi, là. C'est le capitaine. Le capitaine, il fait ce qu'il veut. Le capitaine, il vient de l'univers miroir, donc c'est une Bah, méchante. tu vois, c'est complètement débile. Ça aurait été l'autre Georgiou, elle aurait été traitée avec on parle égard. dans l'absurdité la plus complète, parce que Non, on sera pas d'accord Je là-dessus. vois mal ce cœur que torturer des gens ou je sais pas quoi. Le cœur de l'univers miroir, tu le vois pas torturer des gens? Ils ont fait l'univers miroir méchant. Univers Starfleet, on a dû se défendre. Et après, on va attaquer, est-ce que c'est... Voilà. Mais par contre, là où ça pêche, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un seul équipage. Donc quelques personnes sur des milliards qui prennent une décision risquée quand même, hein. Bien, ouais. D'aller au-delà déjà de leur amiraux, tout ça pour sauver l'esprit Starfleet. Ça, je suis d'accord, on peut trouver ça bizarre que, on Ouais, va t'as des dire, ordres. allez, je sais pas combien sont sur le vaisseau, on va dire 1000 personnes, Ouais. que 1000 personnes tiennent dans leurs mains le destin de milliards de personnes, ça, je peux comprendre que c'est choquant. Mais après, la fin, ça reste exactement dans ce qu'on a vu dans les Star Trek jusqu'à maintenant. Pour revenir à ce que je voulais, c'est que moi je voyais plus un épisode, tu vois, qui réside dans le bluff, c'est-à-dire que ils montrent qu'ils ont le pouvoir de détruire Chronos. Et ils disent, et si vous le faites, si vous le faites pas, si vous retirez pas vos vaisseaux, par exemple, de la Fédération, et ben on fait péter Chronos. Je trouve que ça aurait mieux passé que d'employer LRL ou Georgiou pour faire ça, tu vois, de les convaincre que Starfleet a les capacités de pouvoir détruire la planète plutôt que de cette espèce de pirouette à la con. Franchement, je suis un petit peu en colère. C'est qu'une série, hein, on va pas non plus. Mais il y a plein de trucs, ouais. Il y a plein de trucs qui me disent que c'est mauvais, quoi, c'est tout. C'est pas complètement mauvais parce qu'il y a les 20 dernières secondes où on voit l'Enterprise, mais bon. Bah après voilà, Ouais. je pense que les 20 dernières secondes c'est quand tu vois l'Enterprise, là t'as aimé. Ouais. Donc là tu vois ça revient dans ce que les fans aiment. Le Après fanboy, ouais. voilà, ouais, c'est les fanboys, alors, Ouais. avec la musique derrière. Ah, en plus. Hein. Oui ça faut dire ce En qu'il plus, t'as faut. le générique de Star Trek Voilà, le classique. générique de Star Ouais. Trek, y a pas de souci. Ouais. Bah sinon voilà, je sais pas si une saison 2 est prévue. Si, ouais. Par contre là du coup comme ils sont enfermés dans ce scénario-là, je vois pas ce qui pourrait amener une saison 2. C'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Ils ont tellement compressé le truc dans le dernier épisode que... Parce que là, si la saison 2, c'est une guerre avec les Klingons, ça va être redondant. Hein. Je veux dire Ah non, mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont trouver déjà bah, si c'est Elrel qui revient attaquer le monde, là, je suis d'accord, ça va rentrer dans un truc complètement. Bah, Et autant qu'elle le fasse dès le tu vois que début. ça, à mon avis, ça va capoter dans les saisons 2. Après, s'ils explorent encore l'univers miroir, c'est quelque chose Non, mais qui non, va ils capoter. peuvent pas. Il y a la possibilité aussi que l'Enterprise ce soit pas l'Enterprise de l'univers, tu vois? Oh, ça serait redondant. Franchement, Avec Fabien, là, ça serait. leur co aux commandes de l'Enterprise. Ouais, ça, bon, sans leur cas, je pense qu'il va être dans le Tu réseau penses qu'il va mycélien. Hein. revenir? Bon, je pense qu'il est Ouais, absorbé par le alors réseau mycélien. on voit un peu plus dans la théorie de la saison 2 pour Ouais, la saison ouais. 2, ben, faudra voir comment ils amènent ça. Bah, c'est vrai que du coup, ben, il y en a qui risquent d'être déçus et pas accrochés. Il y en a qui risquent d'aimer parce que, voilà, ce que je vais appeler les Trekkies purs, déjà dans les deux, il y en a qui sont pas d'accord sur la fin. Alors, je vous raconte pas avec ceux qui connaissent pas, hein. Bah, je pense que, à ton avis, alors, la fin, elle a dû choquer les Trekkies ou les non-Trekkies? Bah, choqué, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire Ah, vraiment bah, par toi, la fin, t'as choqué. choqué. Moi, elle m'a pas choqué, elle m'a fait plaisir. Non, la Mais fin, pas les 20 dernières secondes, hein. ah, tu parles de Ouais. cette pirouette ridicule là, avec le beau discours très bien mièvre de Burnham. Bon, admettons que le discours, bon, Starfleet, nous sommes phare Starfleet, nous sommes machin. Bon, allez, ça c'est pas le pire de l'épisode, je dirais. Ça a choqué dans quel sens? Je comprends pas bien ta question. Bah en fait, t'as été choqué par la pirouette scénaristique et Ouais. par le fait de la passivité en gros de Starfleet. Bah, moi j'étais un petit peu impressionné que Starfleet autorise la destruction de Chronos, quoi. Voilà, ça c'est choquant. Ouais. Ouais, je sais pas, là ça va choquer plus les Trekkies. Ouais. Moi, ce qui m'a choqué par contre, c'est que ils emploient. Georgiou? Bon, ça fait un peu mercenaire en fait. On emploie des mercenaires Ouais. pour ça. Donc tu vois, il y a quand même des trucs. Par contre, la saison 2, alors on a Georgiou encore vivante. Alors ça aussi c'est ridicule, hein. Il la laisse partir alors qu'elles savent qu'elle est hyper dangereuse. Ça aussi j'ai trouvé ça... Oui, ça c'était à mon avis un prétexte à amener un ennemi récurrent pour la saison 2. Ouais, bah c'est bien, hein. Ils construisent en fait, ils construisent leur propre ennemi. Déjà, elle a ramené de l'univers miroir ce qu'elle aurait pas dû faire. Ah oui, mais ça, je l'ai vu arriver aussi, ça. J'ai dit, bah, elle va... Puis là, c'est vrai que c'était bizarre, hein, univers miroir, je vais te sauver, vas-y, barre-toi. Ouais, tout Non, d'un coup, non, non, on tue tout le monde et puis ah c'est non, mais marre, c'est quoi. ridicule, ça, faut Ouais, le ça, dire. c'était ridicule. Ouais. Pour en revenir à ce que tu disais, les théories de la saison 2, c'est on peut penser que Giorgio va revenir. Bah justement, moi, j'arrive pas à savoir ce qui va se passer en saison 2 parce qu'ils ont clôturé la saison 1. Bah déjà t'as le retour de l'Enterprise. Ils font pas qu'une fin, apparemment il va se passer quelque chose avec l'Enterprise. Donc apparemment c'est la période de Pike, la période Pike. Et Spock est déjà dedans, hein. Ça veut dire qu'on va peut-être voir Spock avec un autre acteur, quoi. Bah, j'aimerais bien moi savoir comment ils arrivent à raccrocher Burnham Wagon avec entre Spock, quoi. Spock et Burnham. Bah ouais, parce que franchement, ça c'est... Ouais, la continuité, ça pose problème, là. Ouais. Hein. Ouais, y a plein d'univers à explorer aussi. Enfin, tu dis, l'univers miroir est épuisé. Non, j'ai pas épuisé, je dis que ça serait redondant, c'est pas Ouais, pareil. ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est du déjà vu, ça va pas nous servir le même truc quand même. Ouais, quand je dis c'est épuisé, c'est une option qui a écarté, quoi. Maintenant, dans le Star Trek, ouais, faut vraiment faire preuve d'imagination, quoi. Ouais, parce que voilà, donc là on est deux qui connaissent bien l'univers Star Trek et on sait pas comment ils pourraient réamorcer un programme par exemple. Là, on sait pas. Réamorcer une nouvelle intrigue, Ouais, quoi. non, je vois pas. Non, parce que bon, y a l'histoire de Stamets. Déjà faut effacer le tout ce qui est lié à moteur sporique de la continuité. Ben ouais, bon Ouais. après faut effacer, non, enfin faut pas faire plaisir aux fans, etc. Faut toujours proposer quelque chose. Ouais. Parce que les fans, Non, mais ils vont appeler Lucas, là. si on va prendre l'exemple Death Note, le film est bien et pourtant les fans l'ont détruit parce Ouais. que le personnage est pas blond, parce que ceci, Ouais. parce que cela. Ouais, c'est ça. Donc Mais voilà. Non, mais après là, faire plaisir aux fans c'est bien, mais faire quelque chose qui tient la route c'est mieux. Mais là je vois pas comment faire quelque chose qui tienne la route parce que pour une fois qu'on a un happy ending c'est quand même bien parce que d'habitude c'est toujours un cliffhanger. Ah, parce qu'on aura Enterprise, ouais. Ouais, et moi je vois pas comment repartir sur une saison 2. Je vois pas comment. Bon, t'en seras peut-être surpris. Peut-être le Bah, je crois que Faucon c'est pas Millenium là. qui va arriver. C'est totalement. Non, ça c'est. Pas l'Enterprise qui va y arriver. Il va se passer quelque chose avec l'Enterprise, ça c'est évident. Et comme je te dis, ils vont appeler George Lucas et puis pour accrocher les wagons, quoi. Donc voilà, alors. Bah en moyenne, donc. Tu vas mettre une Pour note. les fans Trek, il y a deux options. Soit vous n'allez pas aimer, soit vous allez aimer. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure par contre. Tu vois, soit j'ai aimé, soit t'as pas aimé. Il n'y a pas de tchic-tchic. Moi je vais dire j'ai aimé la première partie du Ouais. 1 au 9. À la première partie Et du après 9, eh bien. Après, ça speed, hein. C'est très dur à suivre. c'est comme tu dis, c'est l'enchaînement de pirouettes et avec un final qui est ridicule, quoi. Voilà, un final ridicule pour certains, un peu Ouais. plus psychologique pour d'autres. Là, ça va dépendre en fait de votre mentalité au C'est niveau du ça. trekkies. Si vous êtes plus... Donc toi, ça veut dire que t'es plus trekkies 1963, c'est-à-dire on rentre dans le lard. Et moi, je suis Moi je plus suis plus Kirk, trekkies... toi t'es plus Voilà, moi, je suis Picard et plus moi je suis plus Picard Kirk. où on réfléchit Ouais. et c'est plus dans le psychologique. Comme quoi, il y a des générations de trekkies qui vont s'opposer, donc du coup, sur la fin. Ouais, c'est certainement. Alors du coup, voilà. Donc, c'est le problème, c'est qu'ils, du coup, ils vont arriver à choquer une génération qui va se tendre choquer avec l'autre génération. C'est bien. Non, mais saison 2, à voir s'ils en font une, à Ouais, voir bon. comment ils amorcent. Et en fonction de l'amorce, on pourra voir s'il y a une continuité à apporter ou pas. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À À la la prochaine! prochaine!